marcher dans tes sentiers, respirer la liberté, enfin marcher jusqu'à nos passés, jusqu'aux misères au fond des hivers, enfin marcher un lac à traverser. La glace est mince, le rêve est si lourd. Enfin marcher dans les champs enneigés, des mots gercés, traqués par le temps. Enfin marcher jusqu'à dénoncer des mondes, l'oubli, l'acier des canons. Enfin marcher et bien soigner l'oiseau blessé, la colère sacrée. Enfin marcher, mon frère, jusqu'à s'épuiser. Je t'entends rêver de terre féconde, guidée, nourrie par le son des songes. Je t'entends rêver de terre féconde, guidée, nourrie.